J'ai vécu 1000 vies, 900 plus 100 comme la mienne qu'elle vienne. La mort je l'ai attendue en rêve, un cauchemar sans trêve. Mon existence quand j'y pense j'aurais pu vivre mieux. Faire des os vieux, rendre certains envieux. Je raconte compte avec mes textes, des arrois d'une vie. Être en phase avec moi-même, tous les jours je prie. Plein de frustration mais aujourd'hui ça se voit même plus. On dit faites comme lui, lui au moins s'en est sorti. Avoir une vie comme la mienne, je veux bien mais à quel prix. Tellement je vis dedans, le quartier en moi il pèse même plus. Je vous le jure, je vois même plus, sans plus que cette vie c'est dur. Y'a plein de monde autour de moi mais au fond je suis seul. Comme Jean-Jacques c'est dur à croire frère mais je marche seul. Juste un peu de dignité, je vive la tête haute. Pas qu'à chaque erreur qu'ils fassent qu'ils disent que c'est notre faute. Toi quand t'étais petit en 2000 tu voyais ça comment. Moi si là j'ai Wells, t'es bien plus de méchant. Je suis de la génération cam, sida et violence. Si demain j'ai des gosses j'espère qu'ils auront plus de chance. Yarbila la mine chouffe comme je fais mais. Hey yo, clair obscurci, le cœur s'endurcit, la vie est sursis. Voudrait plus de rien, on attend la fin du monde pris. Zonier, cette vie je voudrais tellement changer. Pour être enfin heureux d'exister, yeah. Avec moi-même. Hey yo, clair obscurci, le cœur s'endurcit, la vie est sursis. Voudrait plus de rien, on attend la fin du monde pris. Zonier, cette vie je voudrais tellement changer. Pour être enfin heureux d'exister, avec moi-même accordé. J'ai peur de la vie. J'ai peur de ma vie, j'ai peur de vivre cette vie qui s'endurcit au fil qu'on la vit. Je m'interroge sur elle, sur notre présence ici. Car quand je vois ce qu'on est, je me demande qu'est-ce que la vie. Vraiment, puisqu'on souffre tous de celle qu'on mène. Plus ou moins dans celle de chacun de nous, y'a problème. La vie, un synonyme de déveine. Pour moi, pour vous, pour tous ceux qui la pensent, et quelle peine. C'est juste un constat de ce que moi je vois, de ce que je vis. Chaque jour à chaque pas, je n'ai que 20 ans, tu vois, et déjà plus d'illusions. Je rêvais d'une vie meilleure, mais je me suis fait une raison. Pose donc ton regard sur le monde, et toi-même tu verras. Innombrables sont les motos, telles l'inonde. Le bonheur, tu y crois encore, c'est bien, mais moi, je sais qu'il ne sera jamais total chez moi. Car je suis réaliste, et j'observe les faits. L'existence parfaite, dis-moi qui la connaît. Autour de moi, des gens comblés, y'a pas. C'est la misère qui nous suit et qui nous colle à la peau. J'aimerais tellement dire que j'aime vivre dans cette vie. Mais tu vois, je peux pas mentir. Si tu voyais les choses tout comme moi, je les vois. Crois-moi, tu voudrais changer de vie. Hey comme yo, moi. Clair obscurci, le cœur s'endurcit, la vie est sursis. Voudrait plus de rien, on attend la fin du monde pris. Zonier, cette vie, je voudrais tellement changer. Pour être enfin heureux d'exister avec moi-même. Hey yo, clair obscurci, le cœur s'endurcit, la vie est sursis. Voudrait plus de rien, on attend la fin du monde pris. Zonier. Cette vie, je voudrais tellement changer. Pour être enfin heureux d'exister avec moi-même. Mais quand la mort étreint, on se débat même quand on est ivre. Autour de nous le chaos, mais l'espoir fait toujours vivre triste. Essaie de faire des efforts, mais rien ne change. Bellec à cause du passé, le futur se venge en ce moment. Je crois que ma vie se limite à peu de choses. Près de moi, la chance se distribue à petite dose. Et j'ai tort d'avoir rêvé de vouloir vivre décemment. Constamment, j'ai toujours en moi le même sentiment. Ce sentiment, je le connais aussi, j'attends la fin. C'est triste à dire, mais je le pense à cette vie, je préfère la mort. Je veux plus vivre comme ça, comme toi, je veux vivre mieux. Mais comme je veux pas ici, je préfère quitter les lieux. Mes rêves sont tous partis en fumée, laissés au passé. J'affronte demain avec la crainte de stagner. Tu sais, en ma seconde vie, je crois j'aurai peut-être plus de chance. Après la mort, cette étape aura moins d'importance. Hey yo, clair obscurci, le cœur s'endurcit, la vie est sursis. Voudrait plus de rien, on attend la fin du monde pris. Zonier, cette vie, je voudrais tellement changer. Pour être enfin heureux d'exister avec moi-même. Hey yo, clair obscurci, le cœur s'endurcit, la vie est sursis. Voudrait plus de rien, on attend la fin du monde pris. Zonier, cette vie, je voudrais tellement changer. Pour être enfin heureux d'exister. Avec moi-même, ailleurs, clair.